Les participants au 5e Festival international en l'honneur des grands hommes Baekdusan ont adressé le 15 courant une lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée. La lettre indique notamment « À l'occasion de la journée de libération de la Corée et de celle de Songun, nous formulons l'hommage le plus sublime à Son Excellence Kim Il-sung et à Son Excellence Kim Jong-il, éternel leader du peuple coréen, et les félicitations à Son Excellence Kim Jong-un, dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée coréen. Douillé de l'intelligence géniale, du leadership éminent et de la noble vertu, les camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il ont jeté des assises éternelles de la liberté et de la prospérité coréenne et accompli d'immortels exploits pour la cause d'émancipation de l'humanité, ce qui leur a valu le respect infini du monde entier. Son Excellence Kim Jong-un a renforcé considérablement la capacité nationale générale de la Corée de Songun et défendu parfaitement la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le reste du monde, malgré les pires conditions. Ainsi, il jouit de l'admiration de la communauté internationale comme le plus éminent homme politique et militaire de l'époque contemporaine. Avec l'honneur et la fierté d'avoir exalté les camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il comme éternel soleil du Juche et du Songun, et promu Son Excellence Kim Jong-un comme soleil du 21e siècle dirigeant à la victoire la cause d'émancipation du monde, nous ferons de nos mieux pour développer davantage le Festival international en l'honneur des grands hommes Baekdusan, un grand rendez-vous politique et culturel traditionnel. Nous sommes convaincus que grâce aux dirigeants suprêmes, exactement identiques aux leaders précédents dans l'idéologie, la direction et la vertu, la puissance Baekdusan manifestera davantage son prestige et sa dignité, tandis que la cause d'émancipation de l'humanité du XXIe siècle triomphera à coup sûr.